France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Serge Rezvani fut d'abord un peintre. J'ai fait partie des jeunes peintres abstraits de l'après-guerre. Certaines de mes toiles sont aujourd'hui dans des musées. Mais quand ma peinture a commencé à se vendre, j'ai arrêté. Je ne suis pas parvenue à être le marchand de mes tableaux, un rôle qui induit d'avoir un certain type de relation avec le monde, ce dont je suis incapable. Alors, comme Serge Rezvani a tous les talents, après la peinture, il se mit à écrire de la poésie, du théâtre, des romans et des chansons, quelques-unes des plus belles de la chanson française et de l'histoire du cinéma. Le tourbillon, J'ai la mémoire qui flanche, Tout morose, La vie de Cocagne, Ma ligne de chance, Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, et plein d'autres encore. Je n'ai jamais projeté ma vie, dit-il. Je pense que lorsqu'on sait trop ce que l'on veut, ce n'est en général pas très bon. Il vaut mieux savoir ce que l'on ne veut pas. En 1980, pour les Nuits magnétiques, Laure Adler rencontrait Serge Rezvani chez lui, dans le Var, près de la gare de Fresnay. Bonsoir. C'était la fin de l'après-midi et il faisait encore très chaud. Longtemps nous avons erré sur les chemins de terre autour de la gare de Fresnay. Personne n'arrivait à nous renseigner. Son téléphone n'est pas dans l'annuaire, son adresse se résume au nom de sa maison. Finalement, c'est lui qui nous a trouvés. En bas du chemin, il nous attendait. Gentil, mais manifestement un peu inquiet. Il a déplié de vieilles chaises longues, a sorti un immense plateau et il nous a offert le thé. Il vit seul avec sa femme depuis une vingtaine d'années, au milieu des chênes et des oliviers. Il voit peu de monde, il est timide et il n'aime pas beaucoup parler. Au début, je sentais qu'on le dérangeait. Puis petit à petit, le thé, les oliviers, le soleil qui baissait, il s'est lentement laissé aller à se souvenir et à raconter. En 1947, je suis venu dans la presqu'île de Saint-Tropez, qui à l'époque était minée. Il y avait des mines partout, quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas pénétrer dans une partie de la presqu'île. Disons, à la cause du sauvage. Débarquement américain. C'est ça, il y avait encore des péniches de débarquement sur les plages. Comme j'étais très fauché, je suis venu pour vivre de la pêche sous-marine. J'étais un des premiers pêcheurs sous-marins à venir ici. C'était votre métier ? Non. J'ai passé 3 mois comme ça en pêchant. Mais à l'époque, c'était vraiment... le fond sous-marin était comme... comme en Caraïbes maintenant, quoi. Je pêchais ce que je voulais, et je vendais mon poisson ou je le donnais. Je choisissais le poisson que je voulais manger le soir ou quel poisson je voulais donner aux gens qui en voulaient. Les fonds sous-marins étaient très riches. Je suis venu comme ça pendant plusieurs années, vivre au bout de la presqu'île de Saint-Tropez, un endroit qui s'appelle le Cap Lardier, qui est encore sauvage maintenant, et qui le restera peut-être toujours. C'est un endroit hors du monde, qui est encore hors du monde, sauf qu'il y a beaucoup de bateaux maintenant qui y vont. Puis après, on a loué des fermes, on a le choix ici. Donc on a essayé le pays, tous les deux, ma femme et moi. Comme c'est un pays très vallonné, on a tout doucement sélectionné les meilleurs vallons et on s'est retrouvé ici dans cette maison qui est certainement la maison la mieux située, qui est un lieu et une source vive. On a de l'eau qui coule du rocher, d'un rocher, toute fraîche, toute l'année. C'est une folie paysanne, un peu. C'est un entrepreneur qui, autour des années 1870, s'est construit sa folie, qui paraît une petite maison très modeste, mais à l'époque, les gens étaient très pauvres, donc il s'est fait vraiment une maison qui était folle pour l'époque. Avec tout le vallon est fait de murs. Il s'est fait un tout petit Versailles, quoi, un petit Versailles paysan, avec des arches inutiles, avec des escaliers, et des murs partout. Voilà. Et on s'est installé là, et on vit là depuis. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. La Béate, vous l'avez trouvée comment, cette maison? On l'a louée au début, et puis on est resté tout doucement un peu plus longtemps chaque année. Ça fait 20 ans qu'on y vit complètement. On a eu la chance d'avoir un propriétaire qui nous louait cette maison, qui était un fou. Et c'est un homme qui avait acheté cette maison pour être seul, très loin de toute autre maison. C'était à 3 km du village et il n'y avait pas une maison autour. Et finalement, sa femme n'a pas voulu y vivre, donc il nous l'a loué. Et un jour, il nous a dit, j'aimerais que ce soit vous qui l'ayez. Et puis, il nous a dit, payez la moi comme vous pouvez. Donc finalement, on a eu cette maison. Comme ça, quoi. C'est elle qui nous a choisis, disons. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Nous ne sommes pas partis de Paris contre Paris, nous sommes partis pour vivre ici. C'est pas du tout un geste, ça n'a pas été un acte, c'était un glissement dans le plaisir, quoi. Donc je n'ai rien contre Paris. Quand on va à Paris, on y est mal parce qu'on n'y a pas d'appartement, on va à l'hôtel, j'y vais pour la sortie d'un livre. Donc c'est un petit peu pour appuyer l'action d'un éditeur, disons. Mais je n'ai pas grand-chose à y faire. Alors on y revoit quelques amis, mais même nos amis, on les voit beaucoup plus agréablement ici quand ils passent. Même ils louent parfois une maison dans le coin. C'est plus agréable, oui, sûrement. Et vous n'avez pas eu peur que les éditeurs vous oublient un petit peu parce que vous étiez loin de Paris? Non, pas du tout. Je ne fais pas de carrière d'écrivain. Pseudonyme Bassiac. Nom Resvani. Prénom Cyrus. Nationalité française. Mère russe, père iranien. Profession du père, magicien. Profession du fils, diverse. Parolier, le tourbillon, la ligne de chance, j'ai la mémoire qui flanche. Peintre, les mains éblouies, le groupe jouir. Auteur de théâtre, le Rémora, l'immobile, le cerveau, le camp du drap d'or, capitaine Shell, capitaine Esso, le palais d'hiver, l'amande polaire. Écrivain, les années-lumière, 1967, la révélation titrait à l'époque François, ajoutant « Il y a désormais un ton et un monde Resvani ». Puis ce furent les années Lula, la voix de l'Amérique, Coma, les Américanoïaques, Foukouli, Mille aujourd'hui, le portrait ovale et Feu. Le dernier, la table d'asphalte, paru au printemps, a obtenu un grand succès. La presse entière l'a salué. Le Monde l'a comparé à Nabokov et à Malcolm Lowry, Le Matin le rapproche d'Henry Miller, et les Nouvelles littéraires l'ont catalogué comme le Tennessee Williams méridional. Mais où est donc passé le ton Resvani, et comment tout cela lui est-il arrivé ? C'est ici que vous avez commencé à écrire ? Oui, c'est ça, oui. Oui, je peignais avant. Et puis, justement, un peintre, je crois, doit vivre dans la ville, ou en tout cas au milieu des poètes, au milieu des gens qui peuvent commenter ses tableaux. Et sûrement de vivre seul m'a poussé à écrire. Parce que j'avais pris un recul et il fallait que je m'adresse quand même à des gens loin de moi. Et comme j'ai besoin d'être un peu à l'écart, donc ça va très bien. Depuis que j'écris, je suis très, très heureux. J'ai commencé par écrire des pièces de théâtre, comme la plupart des peintres. Car on peut dire que presque tous les peintres ont écrit des pièces de théâtre. Que ce soit le douanier Rousseau, Picasso... Si vous interrogez les peintres, ils ont tous écrit une pièce de théâtre ou deux pièces de théâtre dans leur vie. Donc j'ai commencé à écrire des pièces. Puis je faisais de la musique, j'ai écrit des chansons. Donc j'ai glissé des chansons au théâtre. Ça s'est fait naturellement. Et... Ça, c'était à Paris, quand vous habitiez à Paris ? Non, ici. Ici, non, non. Non, non. Non, non, à Paris, je peignais. Et j'exposais. Ça vous paraît loin maintenant ? Ben, ça fait loin, oui. Ça fait bien maintenant. 20 ans, c'est pas mal, oui. Alors un jour, vous avez décidé que c'était terminé, la peinture ? Ah non, non, non. Vous non, peignez encore ? Non, non, non. Non, je peignais et puis j'ai écrit des pièces de théâtre. Et à partir du moment où j'ai compris que je pouvais utiliser des mots, ça m'a intéressé. Ça m'a paru plus fort, plus juste pour ma sensibilité. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'ai l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'a, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi? Était-ce lui? Était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant. Adoudoudidou, adoudé, doudoudidou, didou. Je peignais, mais je sais plus, je peignais où? À Paris. Pourquoi vous dites qu'il faut peindre, quand on peint, il faut être dans une ville? Ah, il ne faut rien. Je n'ai jamais dit il faut. Disons qu'un peintre est plus à sa place dans une communauté. C'est plus infantile, la peinture. La peinture, c'est le premier stade de la création. On a besoin d'avoir un public immédiat. Un enfant vous montre ses gouaches, ses dessins, ses aquarelles, tout de suite, quand elles sont humides. Le peintre est un peu comme ça. Il a besoin de montrer ses œuvres fraîches à ceux qui l'entourent. Ce n'est que comme ça qu'il peut progresser avec la réflexion des autres. L'écrivain est au contraire un homme seul. Un homme qui se met plutôt à l'écart et en général, il est très difficile, je crois, pour les écrivains de travailler à Paris. Mais ça marchait pour vous, la peinture? Vous les vendiez bien, vous, toi? Oui, assez bien. Je n'ai jamais rien fait pour qu'elles se vendent, mais j'ai bénéficié de ma génération, disons, de ma génération, du travail qu'ont fait les peintres de ma génération pour vendre leurs tableaux. Comme j'ai commencé avec pas mal de peintres qui maintenant ont, ont pris une certaine cote. Qui, par exemple? Oh, je ne sais pas. Dmitrienko, malheureusement, il est mort, qui était mon meilleur ami. Des quantités de peintres, je ne sais pas, Alechinski, Arnal. J'ai exposé chez Magde en 1947 avec des quantités de peintres qui maintenant, on fait tous Raymond Maison, qui est un des plus grands sculpteurs, je crois, de notre époque. Donc nous avons commencé à peindre Jacques Lanzmann, qui était peintre à l'époque et qui est devenu écrivain aussi. Donc c'était toute une bande de peintres. Alors j'ai rencontré Rezvani, c'était un matin, très tôt, vers les 9 heures. J'avais décidé d'être peintre et je voulais savoir comment mélanger les couleurs et j'ai été à l'atelier de la Grande Chaumière. Et là, devant l'atelier de la Grande Chaumière qui était fermé, il y avait un type hirsute, très maigre, assez beau, avec des grands yeux noirs. Et à l'époque, j'avais une grande barbe rouge. On devait avoir, je ne sais pas, je devais avoir 20 ans et lui 19, je crois qu'il a un an de moins que moi. Et on s'est regardé. Et puis comme c'était pas ouvert, je lui ai dit, est-ce que je peux vous payer un café? Parce que moi j'avais de quoi lui payer un café et lui n'avait pas de quoi le boire. Il me dit oui, on est parti, on a remonté la rue, je sais plus comment ça s'appelle, la rue de la Grande Chaumière d'ailleurs, jusqu'à la rotonde. Et là on s'est assis, on a commandé deux cafés. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà fait de la peinture? Il me dit jamais. Et vous? Je lui dis jamais. Et il me dit, par contre, j'ai fait l'amour hier et pour moi c'est très important. Et il me dit, et vous? Moi je lui dis, j'ai pas fait l'amour hier, mais j'arrive et je viens de faire la guerre. Alors lui avait fait l'amour et moi j'avais fait la guerre. Jacques Lanzmann a le même parcours que Rezvani. Après la guerre, il devient peintre, il vit, ou plutôt il survit, travaille et expose avec Rezvani. Il se met ensuite à écrire. Actuellement, il est écrivain, journaliste et parolier de Jacques Dutronc et tout dernièrement de Plastique Bertrand. J'en suis à la fin ou au début. Stop, stop, ouh, encore, encore. J'passe le bac ou j'deviens cloche. J'vais en fac ou au cinoche. J'prends la porte ou je me supporte. J'fume du hache ou des gauloises. Je fais des gags ou des ardoises. J'suis bien dentiste ou bien artiste. J'quitte mes vieux ou j'reste chez eux. Je reste comme ça ou je persévère. Stop, stop, ouh, encore, encore. Stop, stop, ouh, encore, encore. Stop. J'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 20 ans, où j'en suis? À la fin ou au début? Est-ce qu'il vous a parlé de ce groupe que nous avions fait, qui s'appelait le groupe Jouir, en souvenir de Gauguin et de la maison du Jouir? Et dans la rue, on avait adopté un pas qui était le pas du groupe Jouir. Et le pas du groupe Jouir, c'était exactement, on faisait comme des fillettes et on sautait le long des trottoirs. On ne marchait que comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, je crois que j'ai des muscles, des jambes extrêmement développés. J'ai 30 ans, où j'en suis? À la fin ou au début? Stop, stop, ouh, encore, encore. Je marche à voile ou à vapeur, je me paye une toile ou bien une sœur. On a travaillé longtemps, longtemps ensemble, on a travaillé dans la misère la plus totale. On mangeait des orties, on faisait bouillir des orties qu'on mélangeait au sein doux, puis alors on mélangeait des orties à la concaillotte aussi. Mais à l'époque, on travaillait dans le génie, tous les trois d'ailleurs, Dmitrienko, Resvani et moi-même. On faisait les 400 coups, on a fait des trucs très méchants, très complètement honteux. Et on se disait, mais finalement ça n'a pas d'importance, parce que un jour, ça sera écrit dans notre biographie. Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps. D'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un vieux fauteuil au coin du feu, où me laisser glisser à deux, avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes. Aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin parce qu'on les aime. Et si nous sommes partis de Paris, c'est parce que justement je trouve que à partir d'un certain moment, nous n'avons plus notre place à Paris. Nous avons été impossible de se loger. On a vécu dans une HLM, porte de Châtillon, qui est l'endroit le plus bruyant de Paris. On a manqué, il laisse y mourir réellement. Et on a même un ami qui est mort d'une maladie de cœur, un sculpteur. Les gens partaient sur des civières. Non, vraiment. C'est un endroit. Les architectes ont été des collabos. ils ont vraiment fabriqué des machines à tuer. Donc on a été victime de ces machines à tuer fabriquées par les architectes après la guerre. Donc grâce à eux, nous sommes ici. Oui, donc vous êtes quand même parti de Paris. C'était un geste. Oui, parce que nous avons recherché le plaisir. Nous n'avons pas voulu prendre de barbiturique pour supporter la chose sur place. Donc évidemment, sans drogue, il n'y avait pas d'autre moyen que de partir. Donc la drogue, c'était de vivre ici. Le jour sur la campagne me donnerait envie de ne plus changer ma vie. On verrait chaque soir le tourbillon fou du monde devant la télé. Mes chats, mes chiens roupillant à nos pieds à poings fermés. Et qu'au dehors le vent d'hiver se donnerait un mal de chien pour faire plier les peupliers que nous aurions plantés à deux. Et les soirées d'automne couleraient douces et monotones. Et chaque nuit, on se dirait chérie, on réveillonne. Alors les tableaux, lui, vendaient plus que moi, parce que lui avait une filière extraordinaire avec un type très bien, un révérend père dominicain qui aimait beaucoup ce qu'il faisait. Et alors il avait la filière avec lui, il avait à la fois la filière et le feeling, donc il vendait assez bien ses tableaux. Mais moi, j'étais plutôt anticlérical à l'époque. Et vos tableaux, vous en avez vendu combien, vous vous souvenez? Oh non, je sais pas. Beaucoup? Beaucoup. Quoi, des centaines? Je sais pas. J'ai jamais compté combien j'ai peint de tableaux et ça n'a pas d'importance. Et oui, vous peignez beaucoup quand vous peignez? Oui, je ne faisais que ça, oui. Mais je n'ai jamais eu une vie de. Disons que j'ai toujours refusé d'avoir un contrat, donc je n'ai jamais été attaché à une galerie. Comme je n'ai pas de contrat avec un éditeur qui m'attache à un éditeur. Je signe livre par livre. Et ça vous importait de savoir à qui étaient destinés les tableaux, qui vous les achetait? Non, ce qui m'importait, c'est que j'ai eu assez de. C'était une époque difficile et il s'est trouvé des gens qui ont aimé mes tableaux et qui m'ont aidé, qui nous ont aidé à vivre, à survivre. Mais je n'ai pas mené une carrière de peintre. Je vendais coup par coup, et quand je vendais un ou deux tableaux, nous venions ici faire durer le fric, et le temps de vivre ici avec cet argent. Pour moi, le problème, c'était de vendre un tableau et de partir à chaque fois. Et vous avez gardé des tableaux de vous? Vous en avez ici, dans cette maison? Oui, j'en ai, bien sûr. Oui, oui, puis depuis que j'écris, j'ai refait deux séries de tableaux exceptionnellement, tout à fait une pendant la guerre du Vietnam qui avait été exposée à l'Arc, une série que j'ai donnée à Cuba. C'est une série de 20 grands tableaux de 2 mètres sur 3 qui étaient plutôt... C'était pas des toiles de délectation, quoi. C'était des... Et puis j'ai refait une série de tableaux qui ont été exposés au Centre culturel du Marais en même temps que Mesguich faisait la lecture d'une de mes pièces. Quoi, tout ça allait ensemble, quoi. Et là, maintenant ? Ah non, je peins pas. Et ça vous ennuie qu'on aille voir vos tableaux ? Oh oui. Vous voulez pas les montrer ? Oui, non, j'aime mieux pas parce que c'est... De toute façon, avec un micro, on verrait pas grand-chose. Non, mais et vous puis, pouvez on... parler devant non, tableau. Non. Et puis ce sont des tableaux très grands que j'ai cloués tous ensemble pour qu'ils ne se touchent pas. Donc il faut les déclouer, c'est toute une histoire. C'est trop compliqué. Et vous allez les regarder de temps en temps ? Jamais, non. Non, quand j'ai fait les deux fois où j'ai repeint depuis que j'écris, c'était plutôt pour résoudre des problèmes d'écriture pour moi. Je veux dire, j'ai eu besoin, il était nécessaire pour moi de repeindre un peu pour remettre au clair certaines images que j'avais en moi. Et chaque série de tableaux correspond à un livre, disons à la fin d'un livre. Avant de reprendre l'écriture d'un livre, j'ai repeint quelques tableaux, mais c'est plutôt pour résoudre mes problèmes que pour faire des objets à montrer. Donc ces tableaux sont bien dans le noir, ça n'a aucune importance. Et est-ce qu'il y a des tableaux que vous n'avez jamais eu envie de vendre ? Alors moi, je ne tiens pas à mes tableaux, mais j'en ai donné quelques-uns. Oh, c'est idiot à dire, non. Disons que ce serait plutôt ma femme qui préférerait garder certains tableaux. Mais je n'ai pas de... Non, je n'aime pas les tableaux. Et c'est bien une des raisons pour lesquelles j'aime écrire, c'est que j'ai été débarrassé du poids du tableau, du côté engluant de la peinture. On salit les mains, on transporte des tableaux. C'était une délivrance. Donc je ne tiens pas à mes tableaux du tout. À un moment, la maison a presque brûlé, quand on a été entouré par le feu, même deux fois dans notre vie. Et j'envisageais presque avec soulagement que les tableaux brûlent pour en être débarrassé. Non, je ne tiens pas aux objets. À aucun objet ? Aucun. Le Figaro, 9 novembre 1974, critique de Claudine Jardin à propos du livre de Rezvani, Faucouli. Rezvani est un bon peintre de bonheur. Le bleu lui sied bien et il peut refaire indéfiniment ce joli pastel qu'est l'amour heureux. Le noir ne lui convient guère. Il y patauge lourdement et ses grimaces de clown lugubre ne nous émeuvent plus. Elles nous accablent. Je suis de nulle part de toute manière, donc je ne suis pas français, je suis à moitié russe, à moitié iranien. J'ai été élevé dans 36 religions, donc je ne suis de nulle part. Mais vous n'avez écrit qu'en français ? Ah oui, bien sûr, par force. Mais c'est merveilleux le français. Et le russe, vous le connaissez ? Vous le parlez couramment ? Je l'oublie maintenant, mais... De toute façon, je n'aurais jamais pu écrire en russe. Je ne connaissais pas suffisamment la langue russe pour ça. Et des lotissements et de la colonisation par les touristes, vous en avez parlé dans vos livres. Mmh. Et quand on arrive chez vous, c'est vrai, d'abord, il faut trouver votre maison. Et puis ensuite, quand on prend le chemin qui y mène, il y a de plus en plus de maisons absolument horribles qui se construisent. Oui, ce qui se passe surtout, c'est que les gens... Il y en a une, on dirait une espèce de fort. Ça, les gens construisent des bunkers. Oui. Mais avant de construire, bizarrement, le Garde-Freinet, surtout les morts, comme la Corse, sont des pays où les gens ne clôturaient pas. Jamais. Les gens connaissaient leurs limites. Vraiment, ils n'avaient pas le sens de la possession. Et maintenant, les gens qui achètent clôturent avant de construire, ce qui est très très choquant. Ils mettent des fils de fer barbelés. Ah oui, et ils s'enferment. Ils mettent interdiction, propriété privée. Ils ont des chiens énormes. Ils vivent avec un fusil à portée de main. On n'ose plus se promener le soir, presque. Ce sont des fous. Et alors, ils mettent en œuvre toute une mécanisation extraordinaire, quoi. Ils ont des bulldozers. Je sais pas, on sait quand les gens sont en vacances, parce qu'il y a des bulldozers qui commencent à grouiller dans le coin où ils sont. Donc ces collines sont vouées à un morcellement, et surtout, les gens vivent les uns par rapport aux autres en ennemis. Et clôture. Là, vous n'avez pas d'amis dans ce vallon. Il y a des occupants. Les amis, je ne veux pas être de ceux qui disent parler des paysans du pays en disant c'est mon ami. Ça, ce sont des termes de résidence secondaire. Mais disons que nous avons des sympathies avec beaucoup de gens ici. Mais ils disent ceux-là disparaissent. Donc c'est un pays qui va mourir, qui est mort quasiment. Et la paysannerie est tellement dévaluée depuis la Révolution française en France qu'ils ont eu ce réflexe de se débarrasser de leurs terres contre de l'argent et d'acheter, par exemple, je connais des vieux paysans d'ici qui ont acheté en Espagne des studios dans du béton. Ils ont replacé leur argent en Espagne ou dans du béton. Ici, des banques ont acheté, ont construit des maisons énormes, une sorte de bunker comme ça qu'ils louent très cher. Un mois de l'année ou deux mois. Le reste de l'année, nous avons les travaux des autres. Et vous les entendez ? C'est ça, oui, il y a une acoustique dans toutes ces collines. Ça ne s'arrête pas, non. Non, non. On s'est tombé au creux du vague à l'âme, d'un comme un cafard. On s'est causé à cause de la flamme d'une allumette dans le noir. Dans la fumée des cigarettes, j'ai pas vu s'envoler ma vertu. J'ai pas eu le temps de faire la coquette que déjà j'étais dans les nues. Dès qu'un homme, il m'effleure la main, amour, amour flou, ne refuse plus rien. Quand vient le soir, j'ai comme des nostalgies, comme le désespoir. À cause d'un homme au clair regard de ma tout noir. Dans une coupe de champagne, il fit boire la tasse à ma vertu et les violons, cigales qui s'éloignent. Et puis, je me souviens plus qu'un prénom tendre et bien vite ancien. Amour, amour flou, si doux quand tu nous tiens. Il m'a quitté comme on quitte une femme au bord d'un trottoir. Il m'a causé comme on cause à une femme qu'on ne veut plus jamais revoir. Il m'a offert une cigarette, s'est tiré jusqu'au bout de la rue. Pas une seule fois il n'a tourné la tête. Alors depuis je me prive plus. Les hommes me suivent, je les aime bien. Amour, amour flou, de vous ne reste rien. Le Figaro, 16 avril 1977, critique de Jean Chalon à propos du roman Feu, paru chez Stock. Le lecteur avance, étouffant dans les odeurs sucrées de résine, entrevoyant dans la fumée âcre le ballet des personnages. Feu est un roman fort, riche et brûlant. Peut-être même un peu trop fort, un peu trop riche et trop brûlant. J'ai pris parti chaque fois que j'ai pu, ou dans Le Monde, ou par des articles, là où j'ai pu, ou dans Le Matin, pour ce qui reste de la culture d'ici, ne serait-ce que même j'ai pris position par rapport au feu. Oui, en publiant des articles dans Le Monde, dont un voilà, dont je me souviens très bien. C'est ça, oui, où j'essayais de m'opposer à la politique du feu gouvernementale. Qui est une dépossession. On dépossède les paysans même de la gestion du feu, qui est un produit négatif de leur terre. Ils savaient très très bien, les paysans d'ici savaient très bien se battre contre le feu, à tel point que même les Américains et les Australiens ont envoyé des gens, des spécialistes, apprendre la lutte contre le feu sur des vieilles traditions. Mais ici, et si les morts ont si bien brûlé cette année, c'est justement que le feu ne nous appartient plus à ceux qui vivent dans les morts, mais appartiennent à une armée du feu, avec des gadgets, avec des canadaires, toute une technologie inutile, quand tout simplement il fallait nous donner la permission de brûler en hiver, faire le petit feu en hiver, et des contre-feux pendant le feu, ce qui veut dire d'allumer un feu contre le feu. C'est de là que vient la part du feu. Tout ça est interdit, donc les morts ont brûlé devant devant une armée impuissante. Donc les paysans d'ici ont été très reconnaissants, en effet, de prendre leur défense, de prendre la défense de cette culture. La forêt ne prend feu que lorsque trois conditions sont réunies. La sécheresse, le mistral, les broussailles. Comme on ne peut rien contre les deux premières, il ne reste qu'à nettoyer les sous-bois en hiver. Voilà ce que disent depuis toujours les forestiers des morts, et voilà ce qu'ils pratiquaient jusqu'à ce que le pouvoir central le leur interdise. Le Monde, 15 août 1979, Serge Resvani. Au moment où vous avez écrit vos articles, où vous êtes intervenu publiquement, est-ce que vous avez participé à cette lutte pour le feu? Je n'y ai même pas participé, le feu était chez nous. Il était où, là? Ah, ici. Ici, devant là la maison? Là où je suis, oui. Non, on a eu le feu très, très violemment, très très fort. On est resté plus de 40 heures debout à se battre. J'ai eu les pieds brûlés. Ça a été très pénible. Le vallon a flambé. La nuit, puis le jour, on a eu des flammes de 30 mètres de haut qui ont entouré la maison. Ici? On était seuls tous les deux, oui. En pleine nuit? Non, en pleine nuit, ce n'était pas trop grave. Parce que malheureusement, ça n'a pas assez brûlé la nuit. Ensuite, on a eu toute la matinée 5 canadaires pendant 6 heures d'affilée au-dessus de nous qui nous arrosaient pour rien. Pour rien, vraiment? Et quand tout a été terminé, ah oui, on était dessous. Et quand tout a été terminé, tout le monde est parti déjeuner à 2 heures d'après-midi. Et parce que nous n'avons pas eu le droit de faire un contre-feu en bas du vallon, le vent a tourné et on a eu un raz-de-marée de feu. Vous voyez le grand chêne là. Les flammes étaient à la hauteur du chêne. On ne voyait plus le ciel. Il y avait une sorte de vélum de flammes. Et on était tous les deux. Et alors là, ça a été épouvantable. Et tout a brûlé. Et vous êtes resté dans la maison? Non, on a empêché le feu de... Partout où il y avait de l'herbe, on a réussi à l'arrêter autour de la maison. Alors comment on fait quand on a des flammes? En tapant dessus. En tapant dessus? Oui. Je me souviens du spectacle paisible de nos collines brûlant doucement par les nuits d'automne ou d'hiver. Les forestiers contrôlaient merveilleusement ces petits feux qui, de vallon en vallon, faisaient le net sous les arbres. Ce petit feu, ils en avaient une pratique millénaire, léguée de génération en génération depuis leurs ancêtres les Ligures. Ils en connaissaient le rituel et jamais ils n'en perdaient la maîtrise. Le Monde, 15 août 1979, Serge Resvani. Oui, c'est ça le drame. Avec les moyens mécaniques que les pompiers... disons que les médias ont tellement dramatisé le feu. D'abord, ce sont les responsables des accidents. Parce que les gens ont une peur du feu maintenant qui est vraiment scandaleuse. Ils se sauvent devant le feu, donc ils brûlent. Ou ils se trouvent coincés dans les bois, en voiture. En fait, il faut s'enfermer dans sa maison. Et ensuite, quand les gens voient... C'est ce qu'on apprend normalement, quand il y a le feu, on s'enferme, oui, on bouge ça. Pas. Et ensuite, il faut surtout commencer à taper dessus au lieu de prendre son téléphone et d'appeler un canadair. Et maintenant, on a complètement déresponsabilisé les gens. Et le réflexe de l'homme moderne devant la moindre catastrophe, en tout cas même un feu en été, au lieu d'aller au-devant du feu et d'essayer de l'éteindre, il téléphone pour appeler, il se met sous tutelle, et ils veulent un canadair tout de suite. Donc tout ça, c'est vraiment... quoi, c'est trop compliqué. Et puis vous avez dû supporter aussi le voyeurisme des gens, non? Devant les feux qui se précipitent. Oui, on a même eu des journalistes au milieu des flammes ici qui photographiaient, ce qui était très désagréable, oui. Mais ça, oh là, il n'y avait même pas le voyeurisme, ça flambait de tous les côtés, les gens ne tenaient pas trop à ce... Même les pompiers ne voulaient pas venir ici, dans les bois. Pourquoi ? Ils avaient peur de se trouver coincés avec leur matériel. Et ce sont des pompiers surtout qui, au lieu de développer les pompiers locaux, qui connaissent chaque sentier, je veux dire, de donner une autonomie justement de décision aux pompiers locaux, il y avait un PC du feu et surtout donc des officiers qui sont dans leur bureau toute l'année. Et qui ne connaissaient pas la région. Et ensuite, on fait venir des pompiers. Nous, on a eu des pompiers des Hautes-Alpes ici qui sont arrivés jusqu'à l'entrée du chemin qui disaient non, on ne peut pas rentrer ici, on ne peut pas rentrer dans ces forêts comme ça parce qu'ils ne savent pas combattre un feu dans un lieu aussi touffu que celui-là. Ce feu, les habitants de la gare de Fresnay et des villages d'alentour, ils l'attendaient. Ils savaient où ils devaient prendre, par quel défilé ils devaient monter à l'assaut des collines. Ils connaissaient les 4 ou 5 points stratégiques sur lesquels ils pouvaient allumer des contre-feux et le stopper. Comme depuis des siècles, il avait toujours été stoppé sur ces points mêmes. Le Monde, 15 août 1979, Serge Resvani. Il y a des centaines de camions de pompiers partout autour du village, mais dans la forêt, ils sont complètement désarmés parce que il faut un râteau, une pelle, c'est beaucoup plus efficace. Et le cantonnier du pays ici, à lui tout seul, a arrêté le feu sur des kilomètres. Il a préservé la chapelle au-dessus de nous, à lui tout seul, avec un râteau, tout simplement. Et vous avez eu peur quand vous êtes trouvés tous les deux avec le feu devant la maison ? On en a vu beaucoup de feux. On en a eu la nuit autour de la maison une fois il y a 10 ans. On a l'habitude. Mais si on avait su que ça serait ça, et quand on a vu ces flammes monter là, en effet, je veux dire, on n'a pas eu le temps d'avoir vraiment peur, mais on s'est dit que peut-être dans 3 minutes, on ne serait plus de ce monde. Mais je ne pensais pas que... Et vous étiez encerclé, vous ne pouviez plus bouger. Encerclé. Et aucune personne du village n'est venue vous aider? Non, chacun était seul à se défendre de son côté et les résidences secondaires étaient abandonnées. On a été là toute la nuit, on a été éteindre le feu autour des résidences secondaires avec les lumières allumées, la table mise, les gens sont partis au milieu de leur repas. Ils ont tout abandonné parce qu'ils ont eu peur. Ils appellent ça leur espace de vérité. C'est le mot qu'ils emploient pour désigner les résidences secondaires. C'est tout dire. Et ça a été l'épreuve de la vérité. Ils ont abandonné leur résidence au moment où le feu est arrivé, et c'est normal. Que l'on écoute ces hommes du terroir, il faut qu'ici, à la gare de Fresnay, Colobrières, Les Maillons, etc., se forme un conseil des anciens, que des sages obtiennent l'autonomie de décision, que l'armée se mette à leur service et non le contraire. Le Monde, 15 août 1979, Serge Resvani. Il y a des vieux paysans que les pompiers ont kidnappés sur les lieux de leur, je sais pas, des hameaux où ils vivaient. Et ils sont retournés par des sentiers, mettre des contre-feux partout autour. Et un vieux, à lui tout seul, a préservé du feu son hameau par des moyens illégaux. Donc les gens savaient très bien se défendre contre le feu. Alors vous avez écrit des articles partout. Pour être publiés absolument partout, oui. Des articles intervenant politiquement. Mais j'ai été très violemment attaqué dans la presse locale, sans droit de réponse. Ah bon ? Par les gens qui dirigent le feu, en disant qu'eux n'écrivent pas des romans, donc il faut que je me taise. Ou bien même Paul Ricard m'a écrit en me disant que comme il y a un permis de conduire, il faudrait un permis d'écrire. C'est un réflexe très fasciste. Vous n'avez pas répondu ? À Ricard ? Non. Non, non, même le feu, il le gère. Bien sûr, après, les agents immobiliers peuvent construire. Pitié pour la forêt, citadin. Si elle était encore là avant-hier, cette forêt, c'est bien aux populations rurales que nous la devions. Laissez-leur le soin de la faire revivre. Ne leur imposez pas l'idéologie du béton, du goudron, de l'avion. La forêt va lentement, elle. Pour se refaire, il lui faut 50 ans. Le Monde, 15 août 1979, Serge Resvani, écrit à chaud, ce lundi 13, dans sa maison des bois brûlés. Récemment, au PC du feu, il y a eu en Californie une sorte de de réunion mondiale de tous les pompiers des forêts. Et les termes contre-feu, petit-feu, qui sont interdits ici en France, nous reviennent habillés de mots américains. Il y a des termes américains maintenant. Et alors les pompiers, le chef des pompiers d'ici, tout d'un coup, emploie ces mots américains. Alors maintenant qu'on va retrouver toute une terminologie américaine pour nommer des vieilles pratiques, peut-être que maintenant, si c'est américanisé, on les utilisera. C'est assez comique. Donc pour les gens d'ici, donc, me considèrent un peu comme celui qui pourrait écrire pour les défendre. Alors voilà mon statut. Et ils vous connaissent comme écrivain ? Oui, tous mes livres sont à la bibliothèque du municipal et ils sont toujours... À cause du bibliothécaire ? C'est ça. Donc ils sont toujours lus, mais... Non, je crois que... Je crois pas que... Je sais pas s'ils lisent mes livres. Ça m'est égal d'ailleurs, complètement. Et ils vous en parlent de temps en temps de vos livres ? Ils m'ont beaucoup remercié du livre sur les morts, oui. Beaucoup, beaucoup. Parce que je parle du pays tel qu'il était, tel qu'il a été. Alors c'était quand même un pays très, très étonnant. Les morts, la révolution de 1848 est partie d'ici. Le premier mouvement féministe est parti de la garde freinée. Les femmes, parce qu'il y avait un prolétariat paysan, il y avait des bouchonneries, et les femmes, par exemple, ont demandé l'égalité de salaire. Elles ont fait une sorte de révolte des femmes qui est partie d'ici. Donc c'était un pays très... Je sais pas, il n'y a pas une famille où il y a eu un déporté en Algérie en 1850. Donc ça s'appelait la zone rouge, le triangle rouge, entre Colobrière, la garde freinée, le Luc. Et il y a un livre d'Agulon qui s'appelle La République au village, qui est un livre extraordinaire sur la garde freinée. Il a pris la garde freinée comme village témoin justement à propos de ces événements. Mais les gens ont très peur de la politique ici. Ils disent, nous, on ne fait pas de politique. Ils s'en souviennent de leur passé ? Non, ils ne veulent pas. Il y a eu trop de déportés. Il y a eu une répression très forte ici. Et puis finalement, non, les gens sont... Maintenant, non, il n'y a plus... Je crois que la culture, c'est... Cette culture-là a disparu. Mais en 1947, à Saint-Tropez, je me souviens de tous les pêcheurs de Saint-Tropez, ils étaient tous au Parti communiste. Donc c'était un pays très politisé. Non, tout ça a disparu. Donc là, on a fait un livre hors collection. C'était un peu un livre suicidaire pour un éditeur. Parce que, comme je vous disais, on montre à peu près le pays, je veux dire, cette frange de folie du bord de mer, avec ces morts complètement mortes, avec les vestiges d'une vie qui a existé, qui n'est plus. Donc on voulait montrer les deux aspects du pays. Alors Herscher a joué le jeu, il a été d'accord, et donc nous avons fait ce livre ensemble, nous ne l'aurions pas fait. Nous étions tout à fait d'accord, Sylvester et moi, pour faire ce livre-là. Il n'y a pas eu de problème pour intégrer le texte par rapport aux photos et pour joindre les deux ? Non, pas du tout. Des bruits d'avion, si vous voulez. Il y a un aéroport par ici ? Oui, il y a un petit aéroport à La Môle, dans un des plus beaux endroits du coin, qui appartenait à la famille Saint-Exupéry. Donc, ils ont permis de faire un petit aéroport pour les riches... C'est Stivan, les PDG qui viennent après le bureau de Paris, ici, rejoindre femmes et enfants. Pendant les week-ends ? Pour le petit week-end, oui. Donc pendant tout l'été, vous entendez ces bruits-là au-dessus de votre maison ? Non, là, ce sont des gens qui tournent ici parce que, oui, ils battent des ailes, donc ils disent bonjour à des gens qui ont loué, sans doute, d'autres une PDG. Villa. Voilà, oui. Encore toutes microbes, des violettes à la main. J'allais gagnant mon pain dans les cafés rustards. Les hommes me donnaient des sous et me prenaient sur leurs genoux. Plus tard, vêtu d'un pagne dans un orchestre de dames, je tournais les partitions dans un boui-boui des baléares. Les hommes me clignaient de l'œil et m'entrouvraient leur portefeuille. enfin à Hong Kong, joueuse de gang, dans un petit dancing, je rythme le swing, et les vieux chinois, de leurs maigres doigts, me glissaient comme ça des dollars or contre mon corps. Jamais plus, reverrai la place Mange, ni la rue Mouffetard, au plus que j'y songe. Nous prenons jamais l'avion, jamais, jamais, parce que nous sommes claustrophobes. Donc, puis parce que nous ne sommes pas pressés. Donc nous ne prenons pas l'avion, ce qui limite nos voyages. Et puis sans ça, on a fait deux ou trois virées en Espagne et en Grèce. Et toujours vers le sud. Toujours à la recherche d'un lieu plus retiré. Tout ça pour des dollars, pour de l'or, des mensonges. Puis foutu, ils m'ont eu, j'en ai marre, j'en ai marre. Introduction du Palais d'hiver de Serge Resvani, paru chez Christian Bourgois en 1975. Jusqu'à présent, j'avais gardé cette histoire en moi. Elle ne pouvait être ni écrite, ni peinte. Je la voyais comme un tout bleuté, tendre et cruel. L'amour gisait sous la forme de deux nains aux tailles accordées. Nous sommes dans un univers de pure beauté, hors des normes vulgaires. Et donc, je rêvassais, posant ma plume et restant des heures accoudée, l'esprit perdu dans cette Russie médiévale, en compagnie de mes nains, de mon enfance, loin, très loin de la peinture, de l'écriture, glissant de bloc d'image en bloc d'image, dans un grouillement ténébreux, d'où émergeaient deux minuscules figures étroitement enlacées. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez abandonné la peinture, que vos toiles, vous ne vouliez pas qu'on aille les voir. Vous avez aussi abandonné le théâtre. Ah non. J'ai eu une pièce jouée quand même l'année dernière. Oui. Mais maintenant, je refuse mes pièces, oui, en France. Là, j'ai une pièce qui est jouée au Portugal. Capitaine Shell, Capitaine Esso est jouée au Portugal, à Bruxelles. J'ai des pièces au Canada, un peu partout. Mais en France, je refuse pour l'instant mes pièces, oui. Pourquoi ? Parce que ma meilleure pièce, qui est le Palais d'hiver, a été programmée dans différents théâtres. Et au dernier moment, écartée, que ce soit au Théâtre de la Ville. On a joué l'Amande polaire à la place, que ce soit à l'ancien TNP à Chaillot. Perinetti a pris peur. C'est toute une politique du théâtre que je réprouve. Je pense qu'il faut faire partie de la communauté des gens de théâtre pour faire du théâtre. J'écris des pièces pour les écrire. Je les écris pas tellement dans l'idée d'être joué. Et si elles ont été jouées, ça a été de la chance jusqu'à présent. Et c'était quoi, des rencontres avec des metteurs en scène? Oui, j'ai eu une véritable rencontre avec du temps où Jean-Pierre Vincent était Jean-Pierre Vincent, Jean Jourdeuil, et plus les autres, de Sartre, Benichou, Ben Guigui, toute une troupe exceptionnelle. Avec lesquels vraiment j'ai beaucoup appris et c'était extraordinaire quand Le Camp du Drap d'Or a été lu à Théâtre Ouvert à Avignon ou bien et quelques mois après Capitaine Shell, Capitaine Esso monté par la même troupe au TNP à l'époque. Ça avait eu beaucoup de succès. Oui, c'était un moment vraiment merveilleux. Depuis, j'ai eu une expérience avec Lavelli au Théâtre de la Ville avec la bande polaire qui était vraiment très passionnante aussi. Au TEP, Le Camp du Drap d'Or aussi a été monté. Mais je m'en tiens là parce que d'abord, disons qu'il y a eu une telle unanimité de la critique de gauche pour me descendre ah non. En flamme, que oui, pour mes deux dernières pièces, ça a été très très... très orchestré. Pourquoi, à votre avis? Parce que je touche à certains tabous Puis je fais une critique du théâtre dans le théâtre, ce qui est assez délicat et désagréable peut-être. Mais il me semble qu'on ne peut pas faire de théâtre sans critiquer le théâtre. Comme on ne peut pas écrire sans avoir une vue critique de l'écriture. Ensuite, la structure même du théâtre. Je veux dire que je pense que le théâtre produit la... Disons que la gauche a pris le pouvoir au théâtre depuis la guerre. Même le Parti communiste a pris le pouvoir sur les planches. On fait la révolution sur les planches. Et une des raisons, et c'est pour cela que nous assistons aujourd'hui à ce culte de la personnalité du metteur en scène, c'est qu'ils reproduisent des structures staliniennes au théâtre, tout simplement. C'est la pyramide stalinienne qui se reproduit. Il n'y a qu'au théâtre qu'on peut la reproduire parfaitement. Alors l'auteur est là comme... il n'a pas plus d'importance que Maïakovski n'en avait pour Staline. Les poètes n'ont rien à voir, n'ont pas de place au théâtre aujourd'hui. Ah là là, je sens son corps contre le mien. Elle essaie de glisser ses pieds glacés entre mes jambes. J'évite discrètement, tout en lui frottant le dos. Ah, quelle idée, mais quelle idée d'être resté nu comme ça dans ce froid infernal. Pauline, ah, qu'est-ce que tu peux être tordu. Mais sais-tu que tu es vraiment folle? Et toute cette comédie avec Mourgue. Pauline, elle me repousse. Et je vois à nouveau son petit visage se crisper, son bec d'oiseau se durcir et ses yeux étinceler sous la frange jaune. Oh non, ne crains rien, je n'ai pas attendu Mourgue pour te tromper. Pour me tromper? À quel mot? Oui, te tromper. Elle a crié ce mot avec un tel accent de sincérité que je me redresse sur le coude. Que dis-tu là, Pauline? Oui, te tromper, délicieusement, avec Stéphanopoulos. Quoi? Là, j'en reste sur le flanc. Stéphanopoulos. Stéphanopoulos. Laisse-moi rire. Ah bon, j'écarte le boche-mort, je me penche à l'intérieur du temps que je gueule. Il y a quelqu'un? Non, ce n'est pas possible. Stéphanopoulos. Pourquoi m'aurait-elle trompé puisqu'elle n'avait qu'à me le dire? Adieu, Cyrus. Adieu, Pauline. Bonne chance, Pauline. Bonne chance, Cyrus. Je l'aurais embrassée. Adieu, ma petite Pauline, que je lui aurais dit. De temps en temps, on se serait revus et on se serait tenus au courant. Oh. Pouah. Dégueulasse perspective. Alors quoi? Hein? Je te le demande. Disons que j'ai une situation très, très particulière au théâtre. Je vis loin. Donc, écrire pour le théâtre de loin, j'ai compris que on peut écrire sous la forme théâtrale. J'en ai besoin, comme j'ai eu besoin parfois de faire des tableaux pour poursuivre mon écriture. J'ai besoin parfois d'écrire une pièce de théâtre. Dans beaucoup de mes livres, il y a une pièce de théâtre qui se construit. C'est pour moi un moyen de remuer certains thèmes sous une autre forme. Alors que des gens de théâtre s'emparent de ce que je fais, quand la rencontre est bonne, c'est merveilleux. J'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai été joué, c'est vraiment inouï. Bien joué, c'est encore plus extraordinaire et bien monté. Mais là, avec le camp du drap d'or, il y a eu une sorte de cabale. Ça existe encore aujourd'hui. Orchestré par qui, alors? Disons que ça a été un refus viscéral de la part de la critique, du théâtre, du thème même de ma pièce qui se situait à Persépolis. Je l'avais écrite six mois avant Persépolis, avant les fêtes de Persépolis. C'était pour essayer d'aller contre et d'informer sur ce qui se passait en Iran et pour dire aux gens de théâtre de ne pas y aller. Et je montre les gens de théâtre de gauche allant à Persépolis et faisant du théâtre. Ils sont tous partis là-bas. Et finalement, tous les critiques qui ont été... Il n'y a qu'un seul critique qui a eu la noblesse de le dire, c'est Gilles Sandier, qui dans sa critique au Matin a dit « Voilà, oui, j'ai fait des courbettes devant la Chabanou ». Mais ceux qui se sont empressés de me démolir ne l'ont pas dit. Et ils l'ont fait assez bassement, et tout simplement parce que par un simple ressentiment, Alors ça, je trouve ça pas de jeu. C'est pas une raison, mais ça m'a ouvert les yeux, disons, sur mon innocence, tout simplement. Et je pense que je perds mon temps et mon énergie, surtout quand on est loin, de voir une pièce, de savoir qu'une pièce se monte à Paris pendant des mois, ça prend des mois. Puis de ne pas être là en plus pour voir comment ça se passe. Ne pas être là. Être là, c'est aussi très frustrant, bien qu'avec Lavelli ait souhaité que je. À propos de l'amande polaire, que je collabore au travail. Et en effet, j'ai passé 2 mois avec lui, très très passionnant. Avec Vincent Jourdeuil, j'ai passé 2 mois aussi avec eux. Ça, c'était merveilleux. Pour le camp du drap d'or, j'ai laissé Rhétoré la montée sans moi. Je ne tenais pas. Je travaillais sur quoi j'avais quelque chose de. Un travail en train et je ne tenais pas tellement à assister au travail au TEP. Rhétoré, vous avez été la voir non même. Plus, j'ai été la voir, bien sûr, oui. Et alors ? Vous avez été étonné ? Ah non, je n'ai pas apporté de jugement sur le travail parce que je pense que. À partir du moment où on donne une pièce, on la donne. Je veux dire que l'auteur, en effet, s'efface. Je préfère être, ce que je dis toujours au metteur en scène, je suis un auteur mort. Je ne suis pas l'auteur qui veut être là derrière et dire j'ai écrit ça comme ça, pour ça. Je veux dire, je n'explique pas mon travail, je ne suis pas là pour ça. Donc je n'ai plus de motivation. Je n'ai pas tellement de motivation pour écrire, pour le théâtre. J'aime mieux écrire à l'écart. Je veux dire, mes livres. C'est un travail solitaire qui est plus approprié à mon genre de vie. Papa, t'es vraiment pas gentil. Tu m'as piqué ma pauvre petite amie. Lily, Lily Gribouille, qu'avait une si bonne bouille au lit. Papa, veux-tu être gentil? Garde-la, papa, pas toute la vie. Lily, Lily Gribouille, qui me fit tant un bidonnet né dans mon lit. Sonne, sonne, tinte, tinte, petite cloche de banlieue. Le dimanche matin, la main dans la main, nous ne ferons plus le tour de Pantin. Papa, pourquoi tu me l'as confisqué? Depuis toujours, tu m'as dépouillé tout pris. Mes petites autos, mes billets, mes cahiers, où j'épinglais les poules en pied déshabillées. Papa, je peux plus te blairer. Tu m'as piqué, ma pope petite amie. Lily, Lily Gribouille, Lily Gribouille qui fut la nurse de mes nuits. Sonne, sonne, tinte, tinte, petite cloche de banlieue. Le dimanche matin, la main dans la main, Lily Gribouille devint ma belle maman. Serge Rezvani, chez lui, à la gare de Fresnay, nuit magnétique. Il y a aussi le public au théâtre. Oui, ça, je ne sais pas qui c'est le public. À toute manière, pour moi, un public qui applaudit en cadence, comme on applaudit au théâtre, c'est déjà un public qui refuse. C'est pas un plus un plus un, c'est un tout. Ce sont les fameuses collectivités qui achètent les yeux fermés un certain nombre de places de théâtre, qui remplissent les théâtres, qui font tourner les théâtres. Ce théâtre subventionné, tout ce système de théâtre subventionné ne m'attire pas beaucoup. Les débats à la fin me sont odieux. Le débat, je pense que quand on a vu quelque chose, il vaut mieux rentrer chez soi et réfléchir tout seul que d'avoir des gens pour vous dire ce qu'il faut penser. Donc tout le système, toute la politique du théâtre actuel, je la trouve assez déplaisante. Le rôle du théâtre, la façon dont le gouvernement se sert des gens de gauche, les subventionne. Dès qu'un créateur apparaît, on en fait un gestionnaire, on lui donne un très lourd, à gérer une très lourde décentralisation. Donc l'homme de créateur devient un quémandeur. Bon, tout ça, on peut le développer à l'infini et trouver pourquoi le théâtre devient de plus en plus beau, de plus en plus muet, remue de moins en moins d'idées. On a peur des idées, on a peur des mises en question, on a peur de... Même de... On a peur du verbe. On fait de la beauté. Et on donne de la culture. Il y a une sorte de... On va à la culture comme on va au casino géant, on va à la culture comme on va sur les grandes surfaces. C'est les grandes surfaces de la culture, tout simplement. On canalise le peuple, les masses, entre guillemets, comme on dit. On en fait des consommateurs de culture. Alors, les masses deviennent une sorte de marge, comme ça, culturelle. On remplit les musées, on applaudit en cadence, on prend des billets pour des collectivités, mais finalement, je ne sais pas si chaque individu va pour s'interroger devant les œuvres. Mais je dis ça vu d'ici. Connu, soldat inconnu, avant qu'il soit si connu. On l'appelait X parce qu'il était né à l'assistance publique. On me demande constamment des pièces. Combien vous avez écrit de pièces de théâtre? Je sais pas, 6 ou 7, je sais pas, peut-être plus, je sais pas très bien. Alors il y a des gens qui vous écrivent et puis vous refusez? Oui, la Société des auteurs m'avise que telle ou telle troupe aimerait monter une pièce. En général... Non, maintenant, je refuse. Un certain temps. En France, oui. Pourquoi oui, parce que France, alors? L'étranger ne me concerne pas. Je veux dire que si une troupe, comme en ce moment, par exemple, joue Capitaine Shell, Capitaine Esso au Portugal, c'est leur affaire. Donc, en France, je me sens beaucoup plus concerné ça fait parler de moi inutilement, c'est pas la peine. Et vous y allez de temps en temps au théâtre quand vous venez non, à Paris? Très peu. Je suis pas un fou de théâtre. Mais la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie au théâtre, c'est la dispute montée par Chéreau. C'est un grand moment de théâtre. Et d'autant plus un grand moment, que ce sont deux grands moments. J'ai vu les deux versions. Et la deuxième, il y avait une réflexion par rapport à la première absolument extraordinaire. Je n'étais pas tout à fait d'accord sur la lecture de la fin de la dispute dans la première version. Et je trouve que sa deuxième dispute, disons que la lecture idéologique, si on peut employer ce mot, de la fin de la deuxième dispute, c'est absolument éblouissante. C'est très très beau, hein. Quelqu'un qui se corrige comme ça, c'est superbe. Vincent Jourdais, je ne peux en parler qu'au passé. Et Lavelli, c'est superbe ce que fait Lavelli, c'est très très très beau. Et de le voir travailler, c'est vraiment... Mais il aimerait monter le Palais d'Hiver. On en a encore reparlé... C'est lui qui avait lu la pièce et qui m'avait demandé qui avait souhaité la monter. Mais il se trouve que c'est une pièce sur Pierre le Grand, sur l'industrialisation, c'est sur le stalinisme. Et c'est une pièce qui évidemment, pour les animateurs et les gestionnaires de la culture française, c'est une pièce qui est difficile à manipuler. Elle m'avait été demandée en Allemagne aussi. Au dernier moment, il y a eu la même chose, une sorte de retrait. Bentile voulait en faire un film en Yougoslavie, ça a été la même chose. C'est un sujet, bizarrement, de parler de Pierre le Grand. Il vaudrait mieux parler de Giscard d'Estaing, il vaudrait mieux parler de Carter, Pierre le Grand. Pierre le Grand, c'est le moment en Russie où tout s'est retourné. quand Pierre le Grand a coupé la barbe des boyards, quand Pierre le Grand a obligé les gens à s'habiller en européen. Je veux dire, c'est un problème qui dépasse de loin. J'avais pris Pierre le Grand. J'ai écrit deux pièces, Pierre le Grand, sur Pierre le Grand et l'autre sur Catherine de Russie, qui était l'amante polaire, donc qui a été jouée. Ce sont deux pièces qui se suivaient, qui en fait abordaient les problèmes de l'Iran, ou de tous les pays sous-développés, qui finalement essayent de faire ce retournement inouï, quoi, de passer de leur culture à la culture occidentale. Alors, Pierre le Grand me paraissait quand même le plus parlant, le plus imagé pour nous. Pierre le Grand a tué son fils en le torturant. Pierre le Grand, représente, sont les prémices du stalinisme. Mais ça, on ne peut pas y toucher. Mais c'est une pièce qui aurait été très belle, et très belle montée par Lavelli. Mais elle aurait peut-être été montée, non ? Il aimerait, mais je pense que c'est une pièce qui demande et des moyens et du courage de la part de ceux qui pourraient la programmer. Et le Festival d'Avignon, vous n'y mettez plus les pieds ? Non. Mais j'ai eu une expérience très, très, très belle avec le palais, avec le camp du Drap d'Or, puisque nous avions. Ça a été la première pièce lue, disons, oui, si on peut appeler, mise en espace, pour employer les mots de Lucien Attou. De Lucien Attou, oui. Et ça a été très étonnant, ce qui avait été fait avec ce camp du Drap d'Or à l'époque. C'était le moment où il y avait le gueuloir. Ah non, bien avant. Non, c'était la première expérience. Nous avons débuté Théâtre Ouvert avec cette pièce. Alors comment ça s'est passé ? Pour un auteur, c'était assez merveilleux, parce que on s'appuyait entièrement sur le texte. Oui, il n'y avait pas de décor, et les comédiens venaient. Pas de décor, pas de costume, la brochure à la main, une mise en scène. Des mots. Des mots très sensibles, très, très, très intelligentes, c'est un rythme. Quoi, c'était très. Très pour moi, c'est mon meilleur souvenir de théâtre. C'était comme un théâtre improvisé. Et ça a eu du succès à l'époque, à Avignon ? Oui, c'est pas à moi de le dire, mais c'était très, très suivi. Non, c'était plein, plein, plein. Plein, et surtout, disons, les réactions étaient très, très fortes. Quoi. C'était un moment où on ne savait rien sur l'Iran. Et donc les gens se posaient beaucoup de questions, parce qu'à l'époque, quand même, il y avait toute une imagerie sur l'Iran. Et puis, au fond, le chat industrialisé. Donc les débats étaient assez amusants, venant de la gauche, qui se réunit à Avignon. Nous vivions deux, si seuls dans la vie, nous aimions. Le reste importait peu. Les soirs d'été, par la fenêtre ouverte, Paris pour nous déployait tous ses feux. Jour après jour, la vie n'était que jeu, rire et fou rire, amours et rires fous. Et les voisins irrités de nous voir heureux de tout, frappaient au mur de notre chambre. Les années-lumière de Serge Resvani, paru chez Flammarion en 1967, page 53. Pendant des semaines, jour après jour, j'essayais d'écrire et je n'y arrivais pas. Je revenais, je tournais autour de cette histoire et je n'en sortais pas. Je me disais, ce n'est pas possible, arrête, tu n'as qu'à arrêter, tu n'as qu'à penser à n'importe quoi, tu n'as qu'à faire n'importe quoi. Mais ne continue pas comme ça, c'est complètement con, stupide, de t'acharner. Alors, on allait tous les deux, Lula et moi, faire de grandes balades avec le chien, et je ne parlais que de ça. Je n'arrêtais pas d'en parler, à en devenir fous tous les deux. J'allais, je venais, je tournais autour des arbres, je regardais les insectes, je me mettais à quatre pattes, et je repensais tout le temps à ces bonnes sœurs. Ce n'était pas l'histoire des bonnes sœurs, ça je m'en foutais. C'était l'idée que je ne pouvais pas, que je n'y arrivais pas. Ça, ça me rendait fou. Et pourtant, les soirs d'été, et pourtant, je ne peux par pas la fenêtre ouverte, Paris, alors, nous à force déployer de tous ces feux, d'aller comme deux miroirs, aux reflets infinis et chatoyants, nous vivions face à face, tout à la joie d'être nouveaux amants qui ne se lasseront jamais de vivre à deux. De temps en temps, le soir, un ami cher, un vieil ami, un vieux copain d'enfance tombait chez nous les bras chargés de fleurs, c'était la chance d'un peu d'argent, d'un bon repas. Nous... Il y a eu Bourgois. Il y a eu Flammarion. Il y a eu Flammarion. En premier. Flammarion, c'était les années Lumière, les années Lula. Les années Lumière, les années Lula. Et puis ensuite, il y a eu Stock, j'ai cassé mon contrat avec Flammarion. J'avais signé 5 livres. Pourquoi vous l'avez cassé ? Parce qu'il n'a pas été honnête. Genre, on trébuche sur les mots. Quand on est honnête. C'est-à-dire complètement malhonnête. Oui, on a eu des rapports très, très désagréables et il a brandi le contrat et j'ai dit je le casserai. J'ai cassé ce contrat, ce qui a été, je crois, une grande première. Ensuite, j'ai été chez Bourgois. Là aussi, vous étiez trop innocent. Oui, absolument, j'étais innocent. J'ai signé mon contrat en apportant les années Lumière. Et j'ai signé ce contrat type en pensant que je n'écrirais pas d'autres livres. Et finalement, j'ai continué à écrire et je me suis trouvé coincé par Flammarion. Les années Lumière et les années Lula, c'est les plus gros succès de vos livres. Oui. C'est tiré à combien maintenant ? C'est sans arrêt réédité ? Oui, c'est aux poches, oui, réédité aux poches. Oui. C'était mes deux premiers livres et sûrement, oui, ce sont ceux qui se vendent toujours, quoi. Et ça a marché tout de suite ? Ah, j'ai eu beaucoup de chance, oui. J'ai eu la chance, d'abord, de sortir ce livre, mon premier livre, dans les années, c'était en 1967. Il y avait une autre ambiance dans le milieu. Et puis, en 1967... Parmi les jeunes, vous étiez lu. Moi, je sais qu'à l'époque, tout le monde vous connaissait dans les lycées. Mais oui, il paraît, oui. Non, oui. J'en ai beaucoup de témoignages, oui, c'est vrai. Courrier très important. Mais donc, j'étais très innocent et je suis arrivé vraiment avec mon innocence. Je suis entré en littérature, très innocemment. Puis je me suis aperçu que je ne pouvais pas faire partie d'une maison. Donc j'ai cassé ce contrat avec Flammarion. C'est-à-dire qu'on vous a proposé, comme on propose d'habitude, d'être conseiller littéraire ou éventuellement direction littéraire. De tous les côtés, plusieurs fois, oui, mais ça, il n'est pas question. Je ne veux pas faire partie d'une maison, ni en tant que conseiller, ni en tant qu'écrivain. Donc ensuite, j'ai été chez Bourgois, et de chez Bourgois chez Stock, et de chez Stock chez Gallimard, un livre, et puis de nouveau chez Stock, et puis là chez Ramsay. Je veux dire que, depuis d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai commencé à donner mes livres un peu partout, beaucoup d'écrivains me disaient que j'étais fou, mais maintenant je vois que beaucoup d'autres le font aussi. Et c'est une manière, disons, de garder d'être respecté par son éditeur, c'est que l'éditeur sait qu'on peut partir. Avant, un écrivain qui signait 5 livres, en général, 5 livres, ça peut être une œuvre. Donc, on fait partie de la maison à vie, pieds et poings liés entre les mains d'un éditeur. Ce qui ne donnait pas une égalité dans les rapports. De toutes les façons, maintenant, vous êtes tellement connu que vous pouviez publier absolument n'importe où. On vous demande tout le temps. Oui, j'ai cette chance, oui. Et des gens qui ont lu mes livres, qui aimeraient, oui, qui m'envoient leurs manuscrits. Et je vois qu'ils ne sont pas publiés. Si vous étiez à l'intérieur d'une maison, comme directeur littéraire, vous pourriez les publier. Oui, c'est ça. Et puis, j'entrerai dans toutes ces lois de la réciprocité. Il faudrait que j'écrive aussi des critiques littéraires. Oui, comme ça, j'en tant qu'à faire. C'est ça, oui. Ça serait entrer complètement dans le jeu. Oui, si on prend du pouvoir à Paris, on en reçoit, on se fait lécher dans le sens du poil, évidemment. Quand tu te radines au dodo d'or, ravissante et rougissante et timide, comme on est vers les 15 ans, et que tu quittes vite ta combine à fleurs. À la saison du blanc, au solde du printemps, à la saison du blanc, au solde printanière. Dora, Dora, dis-moi, dis-moi à quoi tu penses. Un an a passé, et puis deux ans, et puis trois ans, et puis dix ans. Toutes les saisons se sont mêlées. L'Humanité, 14 avril 1979, critique d'Alain Poisson à propos de la parution du Canard du Doubs chez Stock. Les histoires de Rezvani sont des histoires de tous les jours, et à ce titre, elles possèdent une puissance manifeste. Malheureusement, une certaine nonchalance dans la manière d'exposer, presque toujours, déçoit. D'où cette constante insatisfaction quand on lit le Canard du Doubs, on a toujours conscience de lire un texte en deçà de ce qu'il pourrait être. Et puis trois ans, et puis dix ans, toutes les saisons se sont mêlées, mais je te trouve pas changé. Le Figaro, 13 mars 1976, critique de Robert Canters à propos du portrait ovale de Rezvani, paru chez Gallimard. Ce qui manque encore au Perse Cyrus Rezvani, c'est le souffle qui gonfle les voiles grecques, la lumière du jour au blanc coursier, qui se répandit le matin de Salamine et commanda pour plus de 25 siècles. Je considère que les auteurs qui entrent à fond dans le système sont des criminels, ils sont en train de tuer tout simplement l'écriture. Les gens qui sont dans des jurys de concours, quel lapsus dans les jurys littéraires sont des criminels. Ils créent une ségrégation, ils bonifient, ils tuent. Ce sont des tueurs. Je pense que ce sont des criminels. Un auteur qui accepte de participer à un jury sera un jour jugé au nom de la littérature. Il y aura un tribunal de Nuremberg pour eux. C'est très très grave ce qui se fait en ce moment. Vous pensez à quoi là ? Je pense aux auteurs qui acceptent de siéger dans un restaurant et de distribuer des bons points, comme dans des maternelles. Tout ça au bénéfice de quelques éditeurs. Tout le monde le sait, tout le monde sait comment ça se passe. Les éditeurs ont le cynisme de vous dire comment ils le font. Même des éditeurs m'ont parlé, quoi. Vraiment, c'est scandaleux. Bref. Oui, je me retourne et je te vois. Aussitôt, je me suis frayé un passage entre les corps couchés à terre. Nous nous sommes souris et je me suis assis à côté de toi. Lorsqu'un peu plus tard, nous sommes ressortis, la neige avait tout recouvert. Il ne restait plus trace de mon passage. L'air glacé me saisit et je suis pris de frissons. Je claque des dents avec une telle force que Lula s'inquiète et me demande si je n'ai pas de fièvre. J'en profite pour prendre sa main et sans un mot, je l'entraîne. Mourgue vacille avec des mimiques grotesques à côté de nous. Dans le petit jour fade, sa face pâle se fend. Il sourit, plus effrayant qu'un automate, et croise vers nous. Alors, les amoureux! À ces mots, Lula a un léger recul et veut dégager sa main, mais je la tiens ferme, tout au fond de la poche de mon manteau. Je tremble tellement de froid et d'émotion que je ne peux pas ouvrir la bouche. Les mâchoires soudées, je grimace un sourire et Lula me lance un regard inquiet. Et nous partons lentement vers la Seine, triste cortège. Ma main caresse sa main blottie au fond de ma poche et derrière nous, Pauline titube, et glapit en évitant les boules de neige que lui lance Mourgue, l'effrayant Mourgue. Paris Presse, 7 octobre 1967, pour les années Lula, critique de Kléber Adins. La découverte de la sensualité ne peut être que l'un des thèmes essentiels de Serge Rezvani. Elle est racontée ici avec une franchise absolue et un réalisme couleur de cauchemar qui ne tue pas cependant toute rêverie et toute beauté. Maintenant Pauline et Mourgue marchent à côté de nous. Pauline s'accroche même de temps en temps à mon bras. Elle se fait exprès très très lourde, et lorsque la neige est plus épaisse, elle saute en essayant de m'entraîner, mais je tiens trop à garder la main de Lula, qui marche contre moi, silencieuse et calme. Maintenant, nos pas résonnent sous les lugubres arcades de la rue de Rivoli, et nous avançons tous les quatre de front dans cette inquiétante perspective. Pauline légèrement penchée, Lula gracieuse et tranquille, Mourgue plus grinçant qu'un pantin, pendant que, secoué de frissons, j'essaye d'articuler quelques mots. Nous arrivons tous les deux. Je ne suis fils de personne. Place de la Concorde. Je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit, qui aiment la terre comme un fruit. Au gré de l'amour, j'aimerais m'abandonner au rythme des jours et des nuits dévoilées. J'aime le goût d'écume, la saveur des embruns, la douce amertume des brumes du matin. Alors comment vous faites pour choisir votre maison d'édition? Vous prenez le plus offrant, le plus sympathique, le plus dynamique? Non, je prends... Je vide ma plume. Bien, vous arrivez à vivre je vis ici. Et je n'enrichis pas l'IP. Donc, on peut vivre ici bien. Bien, très bien, écrire. Mais je n'attends pas mes comptes. Je ne demande pas mes comptes. Je considère a priori que les comptes sont truqués. Et je demande une avance sur mon manuscrit. Ce n'est pas au plus offrant. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu à faire de chantage. Je demande une somme qui me permet d'écrire un autre livre. Je n'ai pas de compte en banque. Je n'en ai pas besoin. Jusqu'à présent, je vis au jour le jour, disons livre par livre. Et ça va comme ça maintenant. Jusqu'à maintenant, ça a été comme ça. Et quand je change de maison, ce n'est pas parce que je vais au plus offrant, c'est pour m'aérer, pour ne pas me sentir coincé quelque part, pour me donner l'illusion que je suis libre. D'ailleurs, je le suis. Je n'ai personne pour me dire que tel livre a marché pour cela, il vaudrait mieux continuer dans cette voie-là. Personne ne se mêle de me dire ce que j'ai à écrire, j'écris. Et en étant... apparemment instable, c'est ma seule façon d'être très stable, tout au moins dans ma démarche d'écriture. Et vous ne vous sentez pas obligé non plus de publier à un rythme un peu soutenu? Ah non, je... Comme beaucoup d'écrivains le font maintenant. Ça, pas c'est... qu'on oublie leur nom. Oui, non, mais ça non, je ne pense pas qu'on puisse critiquer quelqu'un de publier beaucoup. Balzac a publié des tonnes de livres, ou George Sand, je ne sais pas combien de centaines de romans. Non, ça chacun a son rythme. Si j'écrivais un livre tous les 6 mois, je le publierais tous les 6 mois. Je publie à mon rythme. Mais mon problème est un problème d'écriture, pas de publication. Je ne suis pas édité, j'écris. Et vous allez continuer dans la voie des nouvelles ? Non, là, les nouvelles, c'est un peu un hasard. Nabokov a publié... On a publié un livre de Nabokov récemment, de nouvelles, La beauté russe, où il y a une très, très, très jolie postface de Nabokov, où il parle de comment il a écrit ses nouvelles. Il emploie un terme qui est très, très séduisant, je trouve. Il dit que ce sont des satellites qui sont nés au moment de l'écriture des romans. Alors, là, j'avais quelques petits satellites... qui ont été écrits pendant que j'écrivais mes autres livres, que j'accumulais. Et puis j'avais un texte plus important, qui s'appelait « Trois journées de Don Juan ». J'avais pensé publier tout seul, comme un tout petit livre, un petit roman. Et finalement, j'ai fait machine arrière, je l'avais donné à Ramsay, et ça m'ennuyait tout d'un coup qu'on fasse sur un petit roman trop de... Un trop gros travail d'attaché de presse. Alors j'ai enfoui ce petit roman. Il y a bien que vous, comme écrivain, qui pensiez au travail de l'attaché de presse. Non, je veux dire que je ne tenais pas à ce qu'on donne trop d'importance, qu'on en fasse un grand roman, quand c'est un roman un peu secret. Alors je l'ai mêlé à ces satellites, à ces petites nouvelles. Il est enfoui dedans et les gens qui le découvrent, je trouve plus agréable de découvrir une chose que de... Que ça soit plutôt que la carte forcée. C'était Serge Resvani, alias Cyrus Bassiac, qui vit encore dans sa maison La Béate, à la gare de Fresnay. Ses chansons sont interprétées par Jeanne Moreau. Ses pièces de théâtre sont pratiquement toutes éditées chez Christian Bourgois. Et ses livres sont publiés chez Stock, Gallimard, Ramsay et Flammarion.